Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées sur le 100 FM de Radioactive. Lost in Space ce soir qui va être placé sous le signe des B-52s. Alors ce ne sont pas les bombardiers américains qui ont atomisé en fait Hiroshima, Nagasaki et tout un tas d'autres villes. Les B-52s, ce sont bien un groupe de la fin des années 70 qui viennent d'Athènes, pas en Grèce mais en Géorgie, le même endroit d'où vient R.E.M. et qui sont arrivés avec des morceaux comme Planète Claire et une sorte de new wave à la fois festive, un peu groovante, qui changeait des canons du cold wave. Donc ce soir, programme autour des B-52s, on a écouté quelques titres et puis d'autres choses qui sont liées en faveur, et à ce style-là. Et on attaque directement avec un des plus grands morceaux, les plus dansants des B-52s, Rock Lobster. C'est parti pour 3 heures. What a rock lobster! Rock lobster! Rock lobster! Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. What's a rock? We'll be right back. Je vous avertis tout de suite, mon cher Jean-Christophe. Vous permettez que je vous appelle Jean-Christophe Averti. J'ai beaucoup souffert à l'idée d'avoir à écrire le portrait d'un homme aussi considérable que vous. Thank you. Pour tout vous dire, vous m'avez même fait passer une nuit blanche durant laquelle, en un diabolique carrousel, tournait dans mon pauvre cerveau malade un cocktail aussi frappé que vous de vos mythiques images. Le père Ubu y flagellait à l'aide de son andouille la malheureuse Lynn Renault pour la forcer à nettoyer les lunettes de Nana Mouskouri sous l'œil sévère de Dalida, elle-même rudoyée par quatre Beatles en furie qu'un Gilbert Bécaud survolté encouragé au stupre tout en écrabouillant des raisins verts sur la moumoute de Charles Aznavour. Thank you. know what the score is, baby. You think I'm a fool. Go ahead and just lay there so you think I know what to do. You don't say a whisper to me, but you're gonna shout. You're done up in rubber bondage. Let's see you get out. I'm waiting all night long. All night long. I'm waiting all night long. Sweat from your love, it's a quarter to three. I feel like a roller coaster, but I don't think you can see. You don't even move to my touch, you can't say a word. I'm ripping you into pieces, you just look at me bored. I'm waiting all night long, all night long. I'm waiting all night long. Car je me demandais, Jean-Christophe, par quel bout prendre une œuvre aussi prolixe et qui, par l'impact et la puissance évocatrice de ses images, fait dire à beaucoup qu'il y a une télé d'avant JC et une télé d'après JC, même si, vous le savez bien, Jean-Christophe, vous n'avez pas que des amis, si j'en crois les plans flous qu'en ce moment notre réalisateur, Jean-Louis Cap, fait de vous pour se venger de ce que vous l'ayez expulsé de votre plateau au début des années 70 sous prétexte qu'il avait les cheveux longs. Long et gras. Thank you. Regardez, regardez comme ce garçon a la rancune tenace alors qu'aujourd'hui il n'a plus les cheveux longs. So was wie sie, das might happen today. So I asked, well, everyone around me, well, are they satisfied in their place? And you know, well, none of them told me, and some of them warned me, and one of them said it don't matter today. Today. And well, there used to be a time when we all sung a different line. But in these days of late, well, everything is filled with hate. And all the words come out just empty shouts. I'm sure that in the end we will find out. Well, the lights went out on me today. The girl I love, Shepard, moved away. Well, buddy, I'll take the keys. You just go and do as you please. And everything fucked up on me today. I got the bill, they said I've gotta pay. They said, well, buddy, well, I'll take your car. You just spend the time counting stars. Everything fucked up on me today. I got the bill, they said I've gotta pay. They said, well, buddy, well, take the keys. You just go do as you please. I kind of got this funny feeling that something just might happen today. So I asked, well, everyone around me, where are they satisfied in their place? And you know, well, none of them told me, and some of them warned me, and one of them said it don't matter today. Mais c'est une exception. Et en fait, tout le monde s'accorde à reconnaître en vous un visionnaire de l'art électronique, un prophète du trucage et à tout le moins, celui qui donne tout son sens à l'expression désignant la télévision comme une étrange lucarne. Cette lucarne n'étant jamais aussi étrange que lorsque vous y sévissez. Cocktail bar. When I met you, I picked. Lorsque Monterey et la rue de la Sardine furent touchés par la guerre, chacun la fit à sa manière. Et lorsque les hostilités cessèrent, chacun pense à ses blessures. Thank you. Les usines de conserve participèrent à la guerre en ne respectant pas les règlements et en pêchant tous les poissons. C'était par pur patriotisme, mais cela ne ressuscita pas les poissons. Comme les huîtres d'Alice au Pays des Merveilles, on avait tout mangé. C'est pour le même noble motif qu'on rasa les forêts de l'Ouest et qu'aujourd'hui on pompe du sous-sol californien plus d'eau qu'il n'en tombe du ciel. Lorsque ce sera partout le désert, les gens seront tristes, aussi tristes que ceux de la rue de la Sardine, lorsque toutes les sardines furent pêchées, mises en boîte et mangées. Seul un gardien animait les usines grises aux murs de tôle ondulée, et la rue où avaient grondé tant de camions était calme et vide. Pistolen and they love them. Le rock venon, spam les blessades en que d'un option. Aaron Writer, le battant Brayton, au season 9, Sean. Watch the same man on the floor, from the road to Seattle and up a guy in hell. Just get out of the fucking hole. Don't set the chain on yourself. So fuck is the hammer on your soul. Come around and see out of the fucking hole. Don't set the chain on yourself. Ein Stück da. Oui, la guerre toucha tout le monde. Doc, appelé sous les drapeaux, chargea son ami Old Jingle Balex de veiller sur le laboratoire biologique de l'Ouest et fit son temps dans la section lutte contre les maladies vénériennes.

Il prit la chose philosophiquement, tua le temps avec une quantité incontrôlable d'alcool gouvernemental, noua des amitiés nouvelles et fit en sorte de ne pas monter en grade. La guerre finie, Doc fut gardé par un gouvernement reconnaissant pour régler certains problèmes d'inventaire. Il était tout à fait l'homme de ce travail puisqu'il avait largement contribué à créer le désordre. 2 ans après notre victoire, Doc fut démobilisé avec d'honorables états de service. Something warm to come. I could probably think better. As it is, I think there's a lot of other things that are kind of confusing me. We'll be right back. Il retourna au laboratoire biologique et força la porte gonflée par l'humidité. Old Jingle Balix n'y avait pas mis les pieds depuis des années. Tout était couvert de poussière et de champignons. Il y avait de la vaisselle sale dans l'évier et les instruments étaient rouillés, les cages vides. Can't say hello.